La délégation unie des partis politiques de Russie et des pays de la communauté des États indépendants, conduite par Kazbek Taïsaïev, chef du groupe parlementaire d'amitié Russie-Corée de la Douma d'État de Russie et secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, arrivée le 27 mars à Pyongyang, a déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.